Chapitre 3e, au sujet de la propriété de Lincolnshire. Pendant que Mary s'abandonnait à de folles rêveries, M. Marchmont et son ancien élève se dirigeaient ensemble vers Waterloo Bridge. « J'irai jusqu'au théâtre avec vous, Marchmont, » dit le jeune homme. « Je suis en vacances maintenant, vous savez, je fais ce qu'il me plaît. Dans un mois, j'aurai un précepteur particulier qui me préparera pour entrer dans l'armée. » Je désire que vous me racontiez tout ce qui concerne la propriété de Lincolnshire. Est-ce quelque part du côté de Swampington? Oui, à 9000. Ah, grand Dieu! Quelle coïncidence extraordinaire! Mon oncle Hubbard est recteur de Swampington, et c'est un vrai trou. J'y vais quelquefois le voir, ainsi que ma cousine Olivia, qui est un prodige. Elle sait plus de grec et de latin que moi, et plus de mathématiques que vous. Elle nous battrait tous deux sur n'importe quoi. John Marchmont ne parut pas très frappé de la coïncidence qui paraissait si extraordinaire à Edward Arundel, mais pour obliger son ami, il lui expliqua, avec patience et netteté, comment il se faisait que trois personnes seulement fussent entre lui et la possession de Marchmont Towers avec toutes ses attenances et dépendances. « La propriété est très grande, » dit-il en terminant, « mais ce serait pas trop singulier que d'aller me figurer que je la posséderais jamais. Et pourquoi pas, juste ciel? Je ne vois rien qui s'y oppose. » s'écria Edward avec une vivacité extraordinaire. « Voyons, mon vieil ami, si je comprends bien votre histoire, voici quel est votre cas. » Voici quel est le cas. Votre premier cousin est le possesseur actuel de Marchmont Towers. Il a un fils âgé de 15 ans qui se mariera ou ne se mariera pas. Rien qu'un fils, entendez-vous. Mais il a aussi un oncle célibataire, qui, d'après le testament de votre père, doit hériter avant vous de la propriété. Or, cet oncle du propriétaire actuel étant vieux, il ne peut assurément tarder de mourir. Le propriétaire actuel lui-même est un homme entre deux âges qui ne vivra pas, je crois, très longtemps. Je parierais qu'il boit beaucoup trop de porto, qu'il chasse, qu'il dort après son dîner, et fait toutes sortes de folies qui mènent tout droit à l'apoplexie. Reste ensuite son fils, qui n'a que 15 ans. Il n'est pas encore en âge de se marier et doit être poitrinaire. Oserez-vous soutenir qu'il n'y a pas 6 chances contre 6 qu'il ne se mariera pas? Vous voyez donc, mon vieil ami, que vous êtes sûr d'avoir la fortune, car il n'y a rien qui puisse vous empêcher, excepté 3 personnes, dont la moins bien portante vivra probablement plus longtemps que moi. Vous êtes bien bon, Arundel, d'envisager la chose sous ce point de vue consolant. Mais je ne suis pas né pour être riche. Peut-être qu'en somme, la Providence m'a mieux traité que je ne pense. J'aurais pu ne pas être heureux à Marchmont Towers. Je suis timide, emprunté, ennuyeux, si ce n'était pour Mary. Ah, mais certainement, s'écria Edward Arundel. Je ne suppose pas que vous ayez l'intention de négliger les intérêts de Miss Marchmont. Il allait dire la petite Mary, mais il s'était arrêté brusquement en se souvenant tout à coup des yeux bruns sérieux qui avaient contemplé les ravages faits par lui à la table du déjeuner. Je suis sûr que Miss Marchmont est née pour être une héritière. « Je n'ai jamais vu de petite princesse pareille. »« Comment ?» dit John tristement. « Une princesse en tablier rapiécé et en rebusé. » La figure de l'écolier devint presque rouge d'indignation en entendant son ancien maître parler ainsi. « Vous ne me croyez sans doute pas seigneur pour refuser mon admiration à une lady ?» Il désignait ainsi Miss Mary Marchmont, qui n'était encore que dans sa 9e année. « Parce qu'elle n'est pas riche. Et encore, ce n'est pas le cas. » Parce que votre fille aura plus tard la fortune, même si... » Il s'arrêta, tout honteux de son manque de tact, car il sentait que John devinerait la signification de cette pause soudaine. « Même si je mourrai avant, Philip Marchmont, » répondit tranquillement le professeur de mathématiques, « de ce côté-là, Mary n'a pas plus de chance que moi. La fortune ne peut lui être transmise que dans le cas où Arthur mourrait sans enfant. Ou bien négligerait d'annuler la substitution, comme on dit, je crois, s'il avait des héritiers. » Arthur, c'est le nom du fils du propriétaire actuel? Oui. Si ma pauvre fille, qui est délicate comme sa mère, mourait ainsi que moi avant les 3 hommes, il y en a un autre qui prendra ma place et qui s'occupera plus activement que moi peut-être de calculer les chances qu'il aura d'obtenir l'héritage. Un autre? S'écria M. Arundel. Morbleu! Marchmont, c'est l'affaire la plus compliquée dont j'ai jamais entendu parler. C'est plus difficile que les problèmes que vous me donniez jadis. Si A, bon AB, 999 fromages de Stilton, à 9 livres sterling la livre, etc., etc. Expliquez-moi la situation et faites-la-moi comprendre, si vous pouvez. John Marchmont soupira. C'est une histoire ennuyeuse, Arundel. je ne vois pas pourquoi je vous en infligerais le supplice. Mais ce ne sera pas un supplice pour moi, répondit l'écolier avec énergie. Je m'intéresse vivement à tout cela et je passerai la journée à me promener ici de long en large en vous écoutant. Les deux gentlemen avaient franchi le guichet de Waterloo Bridge en ce moment. Le débarcadère du Southwestern n'avait pas encore été construit en 1838 et le pont était un des endroits les plus paisibles que puissent choisir de compagnons pour échanger leurs confidences. Les actionnaires le savaient à leurs dépens. Peut-être M. Marchmont se serait-il laissé aller à répéter la vieille histoire qu'il avait racontée si souvent à cette petite fille au coin de leur feu. Si la grande horloge de Saint-Paul n'avait sonné les 12 coups de midi, qui fut reproduit par une centaine de clochers sur la rive droite et la rive gauche du fleuve. « Il faut que je vous quitte, Arundel, » dit précipitamment le comparse. Il se rappelait à l'instant qu'il n'avait que tout juste le temps d'arriver et qu'il serait mal accueilli par le régisseur. « Que Dieu vous bénisse, mon cher ami. Vous avez été bien aimable de vous souvenir de moi, et la vue de votre bonne figure m'a rendu très heureux. J'aimerais que vous fussiez au courant de tout ce qui a rapport à la propriété du Lincolnshire. Nous n'avons que fort peu de chance, mon enfant et moi, d'en être jamais les maîtres. Mais quand je serai mort, Mary restera seule au monde, et ce sera une consolation pour moi que de me dire qu'elle aura quelque ami généreux et intéressé comme vous, Arundel, qui, si l'héritage lui revenait, veillerait à ce qu'on fît reconnaître son droit. Et je n'y manquerai pas, je vous assure, répondit aussitôt le jeune homme. Sa physionomie s'anima, et ses yeux étincelèrent. Il était déjà en pensée un preux chevalier partant pour aller défendre sa dame aux yeux bruns. « J'écrirai l'histoire, Arundel, » dit John Marchmont. « Je n'ai pas le temps de vous la dire, et vous pourriez l'oublier. Encore une fois, adieu et soyez bénis. Arrêtez !» s'écria Edward Arundel, devenant beaucoup plus rouge qu'auparavant. Il avait la malheureuse habitude de rougir comme un enfant. « Arrêtez, mon vieil ami. Il faut que vous m'empruntiez ceci, je vous en prie. J'en ai tant que j'en veux. Vous le dépenserez en objet de fantaisie. » Ou bien vous rentrerez tard et vous prendrez une petite pinte. Vous me rendrez le tout avec les intérêts quand vous serez le seigneur de Marchmont Towers. Je reviendrai bientôt vous faire une autre visite. Au revoir. » Le jeune homme mit de force un chiffon de papier dans la main de son ancien professeur, bondit à travers la porte et se jeta dans un cabriolet dont le cheval de haute encolure arpentait sans se presser Lancaster Place. Le comparse courut vers Drury Lane aussi vite que ses jambes tremblantes le lui permirent. Il fut obligé d'assister un moment à la répétition avant de pouvoir examiner le cadeau que son élève l'avait forcé à prendre en partant. C'était un billet de banque de 5 livres, tout froissé sale, qui enveloppait de 2 demi-couronnes, 1 shilling et 1 demi-sovereign. Le jeune homme avait donné à son ami le restant de son argent de poche. John Marchmont tourna la figure vers l'aile sombre du bâtiment où il se trouvait, et pleura silencieusement. Qu'on se souvienne que sa nature était douce, un peu féminine, et que, de plus, il se trouvait dans un état de santé où les yeux d'un homme se mouillent de larmes malgré lui, sous l'influence de toute émotion inaccoutumée. Il employa une partie de cet après-midi à écrire la lettre qu'il avait promis d'envoyer à son jeune ami. « Mon cher Arundel, mon but en vous écrivant aujourd'hui se rattache si étroitement au bien-être futur de ma chère fille, que je m'abstiendrai soigneusement de tout ce qui n'a aucun rapport avec nos intérêts. Je ne vous parlerai donc pas de votre conduite de ce matin, qui, avec la connaissance approfondie que j'avais déjà de votre caractère, m'a décidé à vous confier les doutes et les craintes dont je suis tourmenté depuis longtemps au sujet de l'avenir de mon enfant. Je suis un homme condamné à Arundel, les médecins me l'ont dit, mais ils m'ont dit aussi que, bien qu'il me soit impossible d'éluder la sentence de mort prononcée contre moi depuis longtemps, je ne puis vivre quelques années encore si je mène l'existence réglée et soignée qui n'est permise qu'à un homme riche. En continuant de porter des bannières et à respirer du soufre, je ne vivrai pas longtemps. Ma petite fille restera au monde sans argent, mais non sans amis, car elle a un noble parent de sa pauvre mère, qui, j'en suis sûr, ferait de leur mieux pour lui venir en aide à leur manière. Les épreuves que je redoute pour ma fille orpheline sont plutôt les dangers de la fortune que ceux de la pauvreté. Si les 3 hommes, qui à ma mort se dresseront entre Mary et la propriété de Lincolnshire, meurent sans enfant, ma pauvre fille chérie sera le seul obstacle que rencontrera sur sa route un homme dont je me méfie, je vous l'avoue franchement. Mon père, John Marchmont, était le 3e de 4 frères. L'aîné, Philippe, mourut laissant un fils nommé aussi Philippe, qui est aujourd'hui le maître de Marchmont Towers. Le second, Marmaduke, vit encore et est célibataire. Le troisième, John, eut 4 enfants dont je suis le seul survivant. Le quatrième, Paul, mourut après avoir donné le jour à un fils et 2 filles. Le fils est artiste et exerce maintenant sa profession à Londres. L'une des filles est mariée à un médecin de paroisse qui habite Stanfield. L'autre fille est âgée et vit à la charge de son frère. C'est cet homme, Paul Marchmont, l'artiste, que je crains. Ne me croyez pas faible d'esprit ou soupçonneux sans motif, Arundel, en apprenant que la seule pensée de cet homme me donne la sueur froide et arrête les battements de mon cœur. Je sais que c'est un préjugé, et un préjugé qui n'a pas sa raison d'être. Je ne pense pas que Paul Marchmont soit un honnête homme, mais je ne puis trouver des motifs suffisants pour expliquer la haine et la terreur qu'il m'inspire. Il vous est impossible à vous, jeune homme franc et insouciant, de vous dépeindre exactement les sentiments d'un homme qui songe à son unique enfant et se dit qu'elle aura peut-être bientôt à lutter sans armes et sans appui contre un méchant homme. Parfois, je demande à Dieu que la fortune du Lincolnshire ne revienne pas à ma fille après ma mort, car je ne puis chasser la pensée, que Dieu me pardonne cette indignité, que Paul Marchmont aurait recours à tous les moyens bons ou mauvais pour l'en dépouiller. Les gens du monde riraient de moi en lisant la lettre que je vous écris, mon cher Arundel, mais je m'adresse au meilleur ami que j'ai, à la seule créature que je sache incapable de se laisser corrompre par l'influence d'un méchant homme. Noblesse oblige. Je n'ai pas peur qu'Edward Angerfield Arundel ne s'acquitte pas consciencieusement de la mission que je lui confie, quelque folle que soit cette mission. Peut-être qu'en vous écrivant ainsi, je sens en moi quelque chose d'analogue à l'espérance aveugle du marin qui, ayant fait naufrage sur une île déserte, enferme sa simple histoire dans une bouteille cachetée et la lance dans la mer dont les flots lancèrent de tous côtés. Avant que ma petite fille ait 12 ans, vous serez un homme, Arundel, un homme intelligent, courageux et par-dessus tout un homme d'honneur. Tant que ma fille sera pauvre, ses humbles amis seront assez forts pour la protéger. Mais, si jamais la Providence jugeait convenable de la faire entrer en lutte avec Paul Marchmont, car il regarderait comme son ennemi quiconque l'empêcherait d'arriver à la fortune, elle aura besoin d'un protecteur bien plus puissant que tous ceux qu'elle pourrait trouver parmi les parents de sa mère. Voudrez-vous être ce protecteur, Edward Arundel? Je suis un homme qui se noie, voyez-vous, et qui cherche à s'accrocher à la paille qu'entraîne le courant. J'ai confiance en vous, Edward, autant que je me méfie de Paul Marchmont. Si le jour arrive où ma petite fille aura cet homme pour adversaire, voudrez-vous l'aider à soutenir la lutte? Elle ne sera pas facile. Je vous envoie 6 juin un extrait de la copie du testament de mon grand-père qui vous expliquera comment il a disposé de ses biens. Ne perdez ni la lettre ni l'extrait. Si vous acceptez la mission que je vous confie aujourd'hui, il vous faudra les consulter après ma mort. Le legs d'une fille sans appui est le seul don que je puisse faire au seul ami que j'ai. John Marchmont, 27 Oakley Street, Lambeth, le 30 décembre 1838. Extrait. Je lègue tout mon domaine connu sous le nom de Marchmont Towers, avec ses attenances et dépendances, à mon fils aîné Philip Marchmont, qui en aura la jouissance sa vie durant. À sa mort, le domaine appartiendra à mon petit-fils Philip, et après lui à son fils aîné, avec droit de reversion sur la famille du dit fils aîné, puis à ses autres descendants dans l'ordre voulu par la loi, toujours avec droit de réversion. À défaut d'héritier, le domaine passera à mon second fils Marmaduke et à ses descendants successivement, puis à John, mon troisième fils, à ses descendants, et enfin à Paul, mon quatrième fils, et à ses descendants. À l'extinction, si elle a lieu, de la lignée de mes 4 enfants, mes biens reviendront aux autres collatéraux, toujours dans l'ordre de succession ci-dessus indiqué. P.S. Vient ensuite ce que les hommes de loi appellent un legs général, à des dépositaires qui veillent à ce que les biens ne soient pas endommagés avant de parvenir à l'héritier. Tâchez de vous faire expliquer ce que cela peut être. J'espère que c'est quelque jargon légal impliquant la conservation de mon droit de réversion. Le ton de la réponse d'Edward Arundel à cette lettre était plus en harmonie avec le caractère de l'écrivain qu'avec l'appel solennel du pauvre John. « Mon cher vieux Marchmont, écrivit le jeune homme, il est clair que j'aurai soin de Miss Mary. Ma mère l'adoptera. Elle vivra à Dangerfield, sera élevée avec ma sœur Laetitia, qui est la plus drôle de gouvernante française et de soubrette allemande, égare à Paul Marchmont s'il s'avise de vouloir me jouer quelques tours. Voilà qui est entendu. Mais que signifie, mon vieux maître, vos histoires de mort, de noyade, de marin naufragé qui s'accroche à une paille, et autres absurdités du même genre, quand vous savez très bien que vous vivrez assez longtemps pour hériter du domaine du Lincolnshire, où j'irai chasser chaque année, où vous ferez construire un jeu de pommes, évidemment il y a une salle de billard, et où vous aurez des chevaux de chasse et une belle meute à l'usage de votre à jamais dévoué ami, compatriote et frère, Edgardo. 42, Montague Square, le 31 décembre 1838. PS. À propos, ne croyez-vous pas qu'un emploi dans une étude d'avoué vous irait mieux que le théâtre royal de Drury Lane? Si vous êtes de cet avis, je pense pouvoir vous le faire obtenir. Mes souhaits de bonne année à Miss Mary. Ce fut ainsi que M. Edward Arundel accepta la mission solennelle que son ami lui confiait de bonne foi et simplement. Mary Marchmont elle-même en savait aussi long que son père sur la manière d'agir dans le monde en dehors de Oakley Street, Waterloo Road et Newcott. Rien ne paraissait plus naturel à John que de confier l'avenir incertain de sa fille unique à ce beau jeune homme dont l'enfance n'avait été souillée par aucun sentiment vil et aucune action déshonorante. Le professeur de mathématiques avait passé 3 ans dans le pensionnat de Berkshire, où Edward et son cousin, Martin Mostyn, avaient été élevés, et le jeune homme, qui était bien moins fort que son cousin pour résoudre un problème d'algèbre, avait eu assez de perspicacité pour reconnaître, ce qui avait échappé à Martin Mostyn, qu'il se cachait un gentleman sous un habit râpé. C'est ainsi que l'amitié avait pris naissance entre le maître et son élève, et qu'une confiance irréfléchie en Edward Arundel s'était enracinée dans l'esprit simple de John. Si ma petite fille avait la certitude d'hériter de la fortune, se disait M. Marchmont, je trouverais bon nombre de gens qui se chargeraient d'elle et qui la serviraient fidèlement, mais elle a si peu de chance. Je ne puis oublier que les Juifs m'ont ri au nez il y a 2 ans quand j'ai essayé d'emprunter sur mon droit de réversion. Non, il faut que je me fie à ce noble jeune homme, car je ne vois pas de protecteur possible. Et toute autre personne se moquerait des craintes que m'inspire mon cousin Paul. M. Marchmont avait en effet de bonnes raisons pour être honteux de son antipathie pour le jeune artiste qui travaillait à gagner son pain et celui de sa mère invalide et de sa sœur non mariée pendant cet hiver rigoureux de 1838. Il travaillait avec patience et espoir, malgré tous les découragements, et il se contentait de mener une vie monotone et sans plaisir dans un triste logement près de Fitzroy Square. Je ne puis trouver aucune excuse aux idées préconçues de John et défavorables à un jeune homme industrieux et infatigable qui était le seul soutien de 2 femmes sans fortune. Si l'adoration de 2 femmes était une preuve de la vertu d'un homme, Paul devait être le meilleur des hommes, car Stephanie Marchmont et sa fille Clarisse professaient à l'égard de l'artiste une idolâtrie pleine de respect qui avait quelque chose de romanesque. Il m'est donc impossible d'assigner une raison quelconque à la méfiance de John envers son cousin. Ils avaient été camarades de classe dans une misérable pension des faubourgs, où les enfants des gens pauvres étaient nourris, logés et instruits d'un bout de l'année à l'autre pour la bagatelle de 20 livres environ. Ce qu'il y avait de plus remarquable dans le prospectus du chef de l'établissement, c'était l'abolition des vacances, car les fêtes joyeuses de Noël, qui sont si agréables aux riches habitants de Bloomsbury et de Tibernia, n'ont pas les mêmes charmes pour les ménages pauvres, dont le buffet mal garni ne peut supporter les attaques de robustes garçons âpres à la curée. Les 2 enfants s'étaient rencontrés dans une pension de ce calibre et ne s'étaient plus revus depuis. Ils n'avaient peut-être pas été les meilleurs amis du monde dans cet établissement classique, mais leur querelle n'avait eu rien de désespéré. Ils avaient discuté un peu librement leur chance d'hériter de la fortune du Lincolnshire, mais je n'ai pas à vous raconter l'histoire romanesque d'une scène violente dans la modeste pension, ni à rappeler des insultes graves et des serments de vengeance. Aucun encrier ne fut lancé par l'un des enfants à la tête de l'autre, aucun coup de fouet terrible ne laissa de cicatrices ineffaçables sur le front de l'un ou l'autre des 2 cousins. John Marchmont eût été aussi embarrassé de rendre compte de ses prétentions contre son parent que le fut le gentleman sans nom qui confessait si naïvement son aversion pour le docteur Fell. Je crois que notre sympathie et notre antipathie en général se rattachent un peu au système du docteur Fell. Basil, de M. Wilkie Collins, ne pouvait dire pourquoi il devint amoureux fou de la jeune fille qu'il eut le malheur de rencontrer en omnibus, ni pourquoi il éprouvait un dégoût prononcé pour le gentleman qui devait la séduire. David Copperfield détestait Uriah Heep, même avant d'avoir des motifs suffisants pour entrer en lutte avec le mauvais génie du père d'Agnès Wakefield. L'enfant n'aimait pas le comploteur aux manières rampantes de Canterbury. parce qu'il avait les yeux ronds et rouges et les mains visqueuses et désagréables au toucher. Les motifs de John Marchmont pour détester son cousin n'étaient peut-être pas plus fondés que ceux de Master Copperfield. Il se peut que l'écolier n'eût aucune sympathie pour son camarade parce que les beaux yeux gris de Paul Marchmont étaient un peu trop rapprochés l'un de l'autre, parce que son menton et ses lèvres, délicatement moulées, étaient une idée trop comprimée, parce que ses joues devenaient pâles comme celles d'un mort dans les occasions où le sang aurait afflué avec violence vers la figure d'un autre enfant, parce qu'il était taciturne et réservé, lorsqu'il eût été plus naturel qu'il fût bruyant et bavard, parce qu'il avait la force de sourire à des provocations qui en eussent mis d'autres en fureur, parce qu'en somme, il y avait en lui ce quelque chose qui, partout où il se trouve, engendre le soupçon, un mystère. Les cousins s'étaient donc séparés, ni amis ni ennemis, pour suivre chacun son chemin dans un pays inconnu, qui paraît naturellement stérile et désolé aux voyageurs à pied, dont les souliers à clous deviennent de plus en plus gênants à mesure qu'ils s'usent, et comme la main de fer de la pauvreté retint John Marchmont en arrière de Paul sur la route pénible qu'ils parcouraient tous deux, la fierté calme du professeur de mathématiques l'écarta toujours du sentier de son parent. Il en avait assez entendu sur le compte de Paul pour savoir qu'il habitait Londres et travaillait ferme pour gagner sa vie. Il se donnait peut-être autant de peine que John lui-même, mais il se maintenait du moins à hauteur d'une position sociale plus élevée que celle de l'expéditionnaire et porteur de bannière de Drury Lane. Mais Edward Arundel n'oublia pas ses amis d'Oakley Street. Un beau matin, le jeune homme fit une visite aux avoués de son père, messieurs Paulette, Paulette et Matthewson de Lincoln's Inn Fields, et fut tellement éloquent en plaidant la cause de son ami dans le besoin qu'il fit éclater de rire l'un des plus jeunes associés, qui déclara que M. Edward Arundel porterait la robe d'avocat avant qu'il eût 30 ans. Il résulta de cette entrevue qu'au bout du premier mois de la nouvelle année, John Marchmont abandonna la classique bannière et le masque de démon, un successeur fortuné, et prit possession d'un tabouret boiteux et pas du tout rembourré dans l'un des cabinets de messieurs Paulette, Paulette et Matthewson en qualité de copiste et de saute-ruisseau, moyennant 30 shillings par semaine. La petite Mary vit poindre ainsi un âge d'or dans lequel ses soirées ne furent plus solitaires et tristes. Elle passa agréablement son temps avec son père à faire des études proportionnées à son âge, ou mieux encore à sa capacité, qui était celle d'une enfant plus âgée qu'elle, et dans certaines occasions, à jamais mémorables dans l'avenir, John Marchmont conduisit sa fille tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre des théâtres de la banlieue. Il est fâcheux d'avouer que mon héroïne, car elle va devenir mon héroïne par la suite, suça des oranges, mangea des biscuits d'Avonethy et se rafraîchit le nez à la rampe en fer de la galerie, exactement comme les autres simples mortels quand ils savourent le drame anglais. Mais pendant tout ce temps, John Marchmont ignorait complètement un fait très important survenu dans l'histoire des trois personnes dont il parlait toujours comme lui barrant le chemin conduisant à Marchmont Towers. Le jeune Arthur Marchmont, héritier présomptif du domaine, était mort le 1er septembre 1838, victime de l'étourderie qui l'avait poussé à franchir une haie, tenant en main chargé et armé le beau fusil de chasse dont son père lui avait fait cadeau. Cet affreux accident, raconté brièvement par tous les journaux, n'était pas parvenu aux oreilles du pauvre John Marchmont, qui n'avait pas d'amis pour s'occuper de ses intérêts et venir lui annoncer en toute hâte une nouvelle concernant sa prospérité. Il n'avait pas lu non plus la notice nécrologique sur Marmaduke Marchmont, le célibataire, qui avait succombé à une attaque d'apoplexie juste un an avant le jour où Edward Arundel déjeuna dans Oakley Street.